Je suis un homme du milieu, je suis Momo aux beaux yeux. Les femmes, je les mène à coups de fric et je leur prends tout leur fric. J'ai des poules qui font le trimard, en doublard, en triplard. Y en a qu'une que je traite à part, avec beaucoup d'égard, et que je considère bien car c'est pas ma fille d'amour, c'est ma régulière. Elle a fait les beaux jours de tout Buenos Aires. Elle m'aime, sans dire un mot. Mignonne, âme donne, tous ses faisons. Je l'ai acheté 25 piastres un soir aux enchères. Et j'ose le dire, y'a bonne meilleure ouvrière. Caresse, tendresse, elle m'entoure. C'est pas ma fille d'amour, c'est ma régulière. C'est une gosse dont l'honnêteté peut pas être discutée. Sérieuse avec les clients, elle a le cœur vaillant. Sans grogner et sans piailler, elle demande qu'à travailler. Il y a 10 ans qu'elle fait le tapin, 10 ans qu'elle reçoit des pains. Je peux bien dire d'elle aux copains, c'est pas ma fille d'amour, c'est ma régulière. Je lui paierai un de ses jours une petite affaire. À Nantes, au 30, y a une maison. Fernande en demande un demi-million. Je vais l'acheter pour elle par devant notaire. Ça fera sûrement plaisir à sa vieille mère. Qu'est chouette retraite pour nos vieux jours. C'est pas ma fille d'amour, c'est ma régulière.